Chapitre 14. La visite à la Bottellerie, qui m'enthousiasmait déjà assez peu auparavant, me coûtait plus encore à faire après cet incident. J'appréhendais de voir M. de Trézonne, de rencontrer encore ce regard. Cependant, nous étions inévitablement destinés à nous retrouver en présence, là ou ailleurs. Et, ayant accepté l'invitation des châtelains, je ne pouvais plus m'y soustraire sans prétexte plausible. Je me rendis donc au château le jeudi suivant. Madame de Trézonne et sa fille m'accueillirent le plus aimablement du monde. Nous fîmes de la musique, Jacqueline et moi, et Paul de Trézonne accompagna nos duos. Puis le thé fut servi au jardin, sous de vieux arbres superbes. Je me montrai fort gai, sans arrière-pensée. Un mot de la vicomtesse, au début de ma visite, m'avait appris que son beau-fils, sorti en automobile, ne rentrerait que pour le dîner. Je n'avais donc pas à craindre de le voir apparaître et je pouvais jouir en toute sécurité de cet après-midi fort agréable. Madame de Trézonne, frivole et quelque peu poseuse, ne me plaisait qu'à demi. De même, son fils, aimable, très gai, très empressé près de moi, mais qui devait être une nature molle, légère, de médiocre valeur morale. Jacqueline me semblait plus sympathique. Petite, pas jolie, mais vive et avenante, elle avait un regard doux, souvent rieur, et des manières fort gracieuses. Son intelligence paraissait moyenne, mais elle l'avait cultivée et causait avec agrément sans pause. Cependant, influence de l'éducation sans doute, ses idées manquaient souvent de sérieux, de réflexion. L'atmosphère de luxe discret, de bien-être élégant, l'amabilité des châtelaines, l'empressement de Paul de Trézonne me grisaient un peu. Quand Jacqueline me demanda de revenir, je ne suis pas refusé, en dépit des résolutions prises d'avance. Elle s'écria joyeusement « Ah, que vous êtes gentille! Je suis sûre que nous allons nous aimer beaucoup. C'est charmant d'avoir une aimable voisine comme vous. Cela me réconciliera presque avec la Bottellerie. » Je demandai « Vous vous y ennuyez ?»« Oui, souvent. Maman et moi, nous aimons le monde, le mouvement. Ici, on ne vit pas. » Cependant, on peut s'y créer bien des occupations utiles et intéressantes. « Oui, comme vous, qui êtes tellement courageuse. Mais il me semble que ce doit être si dur. » Paul de Trézonne ajouta « Si austère à votre âge. » « Ni dur, ni austère, je vous assure. Les journées passent sans que je me sois ennuyée un seul instant. » « C'est admirable, et voilà ce que notre frère voudrait voir faire à Jacqueline. » La jeune fille murmura avec une moue légère. « Oh, Guy est si exigeant! Jamais je ne le contenterai, alors je reste telle que je suis. » Paul de Trézonne conclut « Tu as bien raison. » Ce n'était pas mon avis. Il me semblait que Mlle de Trézonne eût pu mener une vie plus utile, donner l'exemple du dévouement et du travail dans ce pays où le nom des siens possédait tant de prestige. Et sur ce point, je trouvais que son frère aîné n'avait pas tort. En me reconduisant jusqu'à la grille, un peu plus tard, Jacqueline me demanda « Pourquoi n'avez-vous pas mis votre jolie robe bleue? Je l'aime beaucoup et elle vous va si bien. « Mais je ne sais pas. » Comment lui dire que cette pauvre petite robe si simple, je n'avais pas osé m'en revêtir parce qu'elle avait été assimilée par le vicomte de Trézonne à la robe merveilleuse de la princesse du comte dont le prince tomba amoureux. « Vous l'aurez dimanche quand vous viendrez, n'est-ce pas? La garniture du haut est charmante et je voudrais vous demander d'en prendre le modèle. » Je promis de la mettre à ma prochaine visite. Puis, ayant serré la main du frère et de la sœur, je regagnai la meulière. J'étais satisfaite de mon après-midi, de mes hôtes. Tout s'était fort bien passé et je n'avais pas vu le châtelain. Mais je ne sais quel regret demeurait au fond de mon cœur, cherchait à troubler mon contentement. Au dîner, Bardot me demanda « Eh bien, notre demoiselle, ça a bien marché la visite à la Bottellerie ?» « Mais très bien, ces dames ont été charmantes et j'ai dû promettre d'y revenir dimanche. » Catherine dit avec satisfaction « Ah, tant mieux, ce sera agréable pour vous, mademoiselle Gillette, ces relations-là. » Jacques, qui piquait une tranche de lard sur son pain, fit observer Monsieur le vicomte ne devait pas y être, car je l'ai vu passer en voiture, s'en allant vers la Bottellerie. Non, il n'y avait que son frère. Bardot me déclara. Monsieur Paul ne le vaut pas, loin de là. C'est un garçon pas méchant, mais mou comme un linge. Par exemple, il fit le doux devant Monsieur Guy, comme tout le monde. Oui, il m'a paru que Madame de Trézonne et ses enfants n'avaient pas l'air tout à fait chez eux dans cette demeure. Ils semblaient se trouver sous l'influence d'une autorité toute puissante, s'exerçant sur eux même à distance. C'est bien ça, mademoiselle. Madame la vicomtesse est au château comme une invitée. La femme de charge prend directement les ordres de Monsieur le vicomte et personne ne s'aviserait de commander quelque chose d'un peu conséquent en dehors de lui. Je songeais tout haut. La situation ne doit pas être toujours agréable pour ces dames. Et s'il agit de même à l'égard de sa femme, quand il en aura une, je la plains d'avance. À ce moment, mes yeux, tombant sur Angélina, assise en face de moi, rencontrèrent un regard mauvais, haineux. Je l'avais déjà remarqué les jours précédents. Cette fille me détestait. Pourquoi, je l'ignorais, mais je me promettais de lui en demander la raison dès qu'une occasion se présenterait, car cette animosité sourde me devenait infiniment désagréable. Je craignais un peu de rencontrer M. de Trézonne à la Sauvée en m'y rendant le lendemain. Mais il n'en fut rien. Je passai quelques heures auprès de mon vieil ami à qui je racontai ma visite à la Bottellerie. Il me dit « Il faut y aller souvent. Mademoiselle Jacqueline n'a pas été élevée bien sérieusement, mais elle est bonne et aimable. Vous lui ferez du bien, Mademoiselle Gillette. En outre, cela vous distraira un peu. » Oh, des distractions, j'en ai bien assez avec mon travail. Ce n'est pas la même chose. Il faut rester en contact avec le monde dont vous êtes. Vous ne craignez donc pas que le luxe de cette demeure, l'élégance de ces dames, ait une fâcheuse influence sur moi ? Il secoua la tête en me regardant avec un sourire. Non, je ne crains pas cela pour vous. Peut-être avez-vous tort. Il sourit en répliquant. Je ne crois pas. Quand j'arrivai à la Bottellerie le dimanche suivant, j'y trouvai les châtelains du voisinage auxquels j'avais été présenté à la sortie de la messe de la Saint-Jean. Monsieur de Trézonne était là aussi cette fois. J'eus grand-peine à contenir mon émotion quand il me salua. Je crois bien que ma main trembla un peu en se tendant vers la sienne. Mais son regard m'effleura à peine et aussitôt je me trouvai plus à l'aise. D'ailleurs, il ne s'occupa guère de moi et m'adressa un compliment assez bref quand j'eus chanté. Il causa beaucoup avec une jeune femme de très fière mine, Madame de Castelier, qui était, paraît-il, une femme de lettres de grand talent. Elle avait un teint pâle et de beaux yeux bleus qui semblaient considérer avec complaisance son interlocuteur. Je la jugeai coquette et elle me déplut extrêmement. Paul de Trézonne, en revanche, se montra fort aimable avec moi. J'en éprouvai, je l'avoue, un certain petit chatouillement d'amour-propre, car je voyais bien qu'il me trouvait jolie et que ma conversation lui plaisait. Alors, un démon m'offrant la tentation, je me mis moi aussi à faire la coquette comme l'autre. Ce jeu nouveau m'amusa, me grisa surtout. Paul de Trézonne, je le voyais bien, était sous le charme. Et je compris alors, comme je ne l'avais jamais fait encore jusqu'ici, le pouvoir qui était en moi. Mon cœur se gonfla de satisfaction orgueilleuse. En jetant un coup d'œil vers Madame de Castelier, je pensai « Elle a plus de 30 ans, elle se fane déjà et ses yeux sont languissants. Dans les miens, je peux mettre tant de vie, et j'ai 20 ans. » Les hôtes des Trézonne dînaient ce soir-là à la Bottellerie. Ces dames voulaient me retenir aussi. Mais je refusai en voyant que Monsieur de Trézonne n'appuyait pas l'invitation de sa mère et de sa sœur. Assis près de la femme de lettres, il l'écoutait parler de la Norvège où elle venait de voyager et ne semblait pas s'apercevoir du petit débat qui s'agitait à l'autre bout du salon. Ma présence lui était probablement désagréable. Eh bien, je ne la lui infligerai pas plus longtemps. Je coupai court aimablement mais fermement aux instances de Paul de Trézonne et pris congé de mes hôtes et de leurs amis. Monsieur de Trézonne, me voyant prête au départ, s'était levé. Il s'avança et dit brièvement à son frère « Je vais accompagner Mademoiselle Darbier. » Je balbutiai Mais, monsieur, je vous en prie, que personne ne se dérange pour moi. » Sans m'écouter, il me suivit dans le vestibule. Au seuil de la porte, j'essayai encore de dire que je ne voulais pas qu'il se dérangeât davantage. Mais il m'interrompit aussitôt. « Laissez-moi, mademoiselle, remplir mon devoir de maître de maison. Ce sera un grand plaisir pour moi. » Nous sortîmes du château. L'allée de hêtres s'étendait devant nous, un peu sombre, car le ciel se couvrait. Pendant un moment, nous marchâmes en silence. Mon cœur battait très fort. J'aurais voulu me trouver à 100 lieues de là, et j'étais toute palpitante d'émoi, d'inquiétude vague. Il demanda « Vos occupations de fermière vous plaisent-elles toujours, mademoiselle ?»« Toujours, monsieur. » « Mon vieil ami Rouchaine m'a dit que vous vous entendiez fort bien à l'apiculture. »« C'est grâce à ses leçons, en tout cas, mais il est vrai que je m'y intéresse extrêmement. » »« Vous avez raison, c'est une occupation saine, intelligente et même poétique. Elle vaut infiniment mieux que beaucoup d'autres, et surtout que les plaisirs mondains, le flirt et la coquetterie. » Je murmurai, « Oui, oui, certainement. » La chaleur venait à mes joues. Je me demandais aussitôt, « Dit-il cela pour moi ?» Ma conscience me reprochait déjà mes petits manèges de l'après-midi. Ces paroles précisaient mon remords. Et quelle confusion, quelle souffrance de penser qu'il me tenait maintenant pour une coquette. Nous étions à quelques pas de la grille. Je m'arrêtai et levai sur lui un regard résolu, bien qu'un frisson léger courût en moi. « Vous avez raison, monsieur. Aussi me voyez-vous toute décidée à ne plus quitter, pour les distractions un peu mondaines, ces occupations si bonnes à l'âme et au corps. Elles, au moins, ne laissent pas de regrets ni de malaise. » « Je n'ai pas voulu dire tout à fait cela, mademoiselle, et il nous serait vraiment trop pénible de renoncer maintenant à entendre cette voix dont nous avons goûté aujourd'hui tout le charme. » Quelle séduction puissante existait dans ce regard! Comme sans douceur, par la seule force d'une volonté secrète, concentrée, il savait vous saisir le cœur et le cerveau, vous jeter dans l'âme un émoi étrange, où se mêlaient l'angoisse et les délices. Monsieur de Trézonne ajouta « Il faut apprendre à vivre dans le monde sans se gâter à son contact. C'est chose difficile, mais non impossible, quand on a l'âme honnête et élevée. » Je murmurai « La mienne n'est peut-être pas ainsi. » Il me semble qu'elle l'est, au contraire. Il prit la main que je lui tendais machinalement et la serra d'une pression ferme, sans rudesse. « Au revoir, mademoiselle. Nous vous attendons un des jours de cette semaine, comme vous l'a dit ma sœur. Et je chercherai, pour vous le donner à lire, un très intéressant ouvrage sur les abeilles, dont je vous avais parlé lors de notre dernière rencontre à la Sauvée. » Je franchis la grille et m'engageai sur la route dans la direction de la Meulière. De chaque côté s'élevaient des taillis touffus qui cessaient brusquement une vingtaine de mètres plus loin, au coude du chemin, pour faire place à des champs de blé. Je vis tout à coup une forme féminine sortir de l'extrémité du taillis et disparaître au détour de la route. Je pensais « Tiens, on dirait Angélina !» Puis je n'y songeais plus. Trop d'émotions m'agitaient. Remords, crainte, confusion et une sorte de joie sourde se confondaient en moi. Mais l'impression la plus forte était celle que m'avait laissée aujourd'hui Monsieur de Trézonne. Cet homme pouvait être dur, intraitable, plein d'orgueil, il pouvait avoir d'autres défauts que j'ignorais, mais il avait une âme loyale, il était un honnête homme et un homme sérieux.